Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Les paradoxes de la viande, une série de Delphine Saltel réalisée par Vincent Deck. Au départ de cette série, il y a ce plaisir désormais un peu coupable du magret de canard saignant au barbecue. Et puis cette question, comment peut-on à la fois aimer les animaux et les manger? Ou plutôt comment tout a été soigneusement organisé pour que l'on oublie ce qui se passe dans les abattoirs jusqu'à ce que certains s'appliquent à nous le montrer. Alors pour commencer, les personnages. Une historienne du cinéma, un cinéaste et la mort, un historien de la relation homme-animal, une cinéaste en repérage, des abatteurs qui trinquent, deux cinéastes près des ouvriers, des gens usés et vidés et des militants caméra au poing. Ensuite le décor, un abattoir loin des yeux, des films, les mots de Baudelaire, les marges des villes, des images politiques, un cheval blanc, la chaîne, les cadences, des électrocutions, la souffrance, une routine macabre, des vidéos insoutenables et un régime des sensibilités. Aujourd'hui, deuxième épisode, on a envie de se boucher les oreilles. Vous êtes déjà tombé sur une vidéo de l'association L214 sur vos réseaux? Vous avez lâchement scrollé ou vous avez eu le courage d'appuyer sur play? Avez-vous réussi par exemple à regarder les images tournées à l'abattoir d'Alès en 2015? Ce cheval noir magnifique, suspendu par une patte arrière à un crochet, son corps qui convulse au moment où l'ouvrier lui tranche la gorge. Et les cochons, entassés à 15 dans une cage et plongés vivants dans une fosse à CO2? Avez-vous supporté leur cri d'asphyxie plus d'une minute? Non. Ou alors, vous avez vraiment dû vous forcer. Parce que ces images nous obligent à poser les yeux sur ce que l'on préférait ignorer. Surtout au moment de planter ses dents dans un steak saignant. Elles lèvent le voile sur la boîte noire qu'est l'abattoir. Sur ce que l'on n'est pas censé savoir ou que l'on ne veut pas voir. Je te frapperai sans colère et sans haine, comme un boucher, a dit Baudelaire. Sans colère, sans haine, et avec la simple bonne humeur des tueurs qui sifflent ou chantent en égorgeant. Parce qu'il faut bien manger chaque jour et faire manger les autres au prix d'un très pénible et souvent dangereux métier. Filmer le son des bêtes, des caméras dans l'abattoir, une histoire des images de Georges Franjou aux vidéos de L214. Par Delphine Saltel et Vincent Deck. J'ai fait du cinéma parce que j'avais envie de faire le sang des bêtes. J'ai toujours entrepris des sujets que je redoutais. Je veux dire qu'à partir où je suis entré dans les abattoirs de Paris, avec une équipe cinématographique, l'émotion change, l'émotion est là, mais elle est dominée. Et ce qui était ressenti comme morbide et terriblement éprouvant, devient source de création. En France, Muriel Pic, le premier cinéaste qui fait rentrer une caméra dans un abattoir, c'est Georges Franjou, et Le sang des bêtes était son premier film. Alors, à l'automne 1949, quand Franjou commence à tourner le sang des bêtes, hein, il a fait plusieurs repérages photographiques, notamment. Il travaille avec Jean Painlevé, qui en fait s'occupe de l'Institut du cinéma scientifique et qui est un des premiers à faire des documentaires sur les animaux. Et Pinleville, lui, filme alors toujours l'animal vivant. Mais il le fait sur un mode toujours très poétique, c'est-à-dire avec des commentaires qui viennent montrer une étoile de mer comme une danseuse, par exemple. Et je pense qu'il a vraiment orienté Franju dans cette approche à la fois poétique et documentaire des abattoirs. Et on voit tout de suite ce parti pris, ce double parti pris, hein, vraiment très documentaire et à la fois très lyrique, hein, dès le début du film, enfin, ou dans sa construction même, hein, puisque on n'entre pas directement dans les abattoirs. Hein, y a comme ça une sorte de prologue. On va d'abord tourner autour et la caméra va nous montrer des images des alentours, les limites de la ville. Hein. Il va dans ces endroits qui sont en fait les marges de la société et qui sont aussi habités par des marginaux. D'ailleurs, il le dit, les poètes, les amoureux de passage, les brocanteurs, les pauvres, en fait, tous les déchets de la société sont là. Aux portes de Paris, sur le terrain vague, jardin des enfants pauvres, sont éparpillés les singuliers débris de vagues richesses. Tout un bonheur déjà sorti s'offre aux amateurs de brocantes, poètes et aux amoureux de passage, à la limite de la vie des camions et des trains. Et ce qui est très beau, très fort, c'est qu'il nous annonce que c'est aussi dans nos déchets que la société est lisible. Il nous fait passer comme ça dans ces espaces dont on ne soupçonne pas l'existence, hein, finalement, que ce soit ces banlieues abandonnées ou les abattoirs, bien sûr. Et là, il met en valeur un fait historique, c'est que les abattoirs, au début du 19e siècle, ont été construits aux limites de la ville. Hein. On a repoussé sur les bords la pratique de la mise à mort animale, pour des raisons d'ailleurs d'hygiène. Hein. C'est ce que voulait l'Empire, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus toutes ces tueries à l'intérieur de la ville, avec la viande qui pourrissait, le sang qui coulait... Donc, on met la mort en bordure de la ville pour des raisons d'hygiène. L'histoire des animaux et l'histoire de la souffrance des animaux et l'histoire des sensibilités à la souffrance des animaux, elle doit aussi se penser par rapport à une histoire politique. Damien Baldin, historien, auteur d'une histoire des animaux domestiques au 19e et 20e siècle. Tout l'enjeu des abattoirs, elle est de pouvoir cacher le spectacle de la violence, non pas tant de supprimer la violence des animaux, ni de supprimer l'abattage des animaux. Il n'en est pas du tout question au 19e siècle. C'est beaucoup plus le spectacle de la violence que la violence elle-même. C'est très clair dans la motivation, dans les motivations pour mettre en place les abattoirs et littéralement enlever du centre-ville les tueries, parce que c'est comme ça qu'on les appelle. Ce sont des arguments d'hygiène morale. Il faut protéger les femmes, les enfants et la population de ce spectacle de la violence. Les sociétés, et notamment les élites, sont animées par la peur de la violence populaire, la peur de la violence des révolutions, parce que on reste habité que la violence crée la violence, et que tout un des grands enjeux est justement d'éduquer les classes populaires à des comportements que l'on souhaite être de moins en moins violents, parce qu'on veut établir un projet de société pacifié. On souhaite faire disparaître de la vie quotidienne ces images de violence. Simultanément, ça va profondément transformer notre manière de penser la mort, enfin, puisqu'on ne la verra plus comme on la voyait avant. Il faut vraiment avoir une démarche, pour le coup, là, documentaire, pour montrer ce qui se joue dans cet espace-là. Donc, il y a une démarche politique chez Franju, mais qui n'est pas une démarche pour accuser un mauvais traitement des animaux ou pour montrer la souffrance animale. C'est plutôt un geste politique pour rendre accessible au regard des choses qui nous concernent, qu'on ne voulait pas voir, d'amener le regard là où on ne s'y attend pas, finalement, et de choisir des sujets qui vont être les pauvres, les rebuts, les déchets, les animaux tués, au lieu de vedettes de cinéma. C'est comme ça que ces images sont politiques. C'est pas par un discours militant, c'est une autre, c'est vraiment être politique par les formes, par les images. Enfin, quand les gens arrivent à regarder le film, hein, parce que je connais beaucoup de gens qui voient le début, qui trouvent ça, bon, étrange, poétique, mais qui après coupent dès la première image. Et la première image d'entrée dans les abattoirs, elle est absolument fascinante parce que c'est un cheval blanc. Donc le cheval blanc, c'est presque la licorne, donc c'est vraiment une figure comme ça, poétique, lyrique, féerique. On voit que ce cheval blanc qui arrive, qui est très calme, on entend le bruit de ses sabots d'ailleurs sur les pavés de la cour des abattoirs, et le tueur qui foudroie l'animal par percussion et qui tombe en se mettant à genoux comme ça. Enfin, cette manière, cette révérence devant la domination. Et là, dans cette mise à mort, il y a quelque chose qui est à la fois insupportable et qui en même temps nous porte tout de suite à une méditation sur notre rapport à cet animal qui a habité nos rêves, nos mythes et avec lequel on a partagé le quotidien pendant des siècles. Il y avait un rapport de proximité. Donc le film travaille aussi constamment, interroge constamment notre rapport aux bêtes et comment ce rapport est lisible, la transformation de ce rapport est lisible dans la manière dont on va le mettre à mort. En allant dans les abattoirs et en montrant cette mise à mort qui n'est qu'au début de son industrialisation, Franju nous pose aussi cette question de notre rapport au vivant et à la mort. Après la saignée, le cheval est hissé au châble pour parfaire l'écoulement du sang. Il est ensuite redescendu pour être dessillé. Le cheval blanc, symbole de l'innocence, c'est le cheval du chevalier sauveur. Enfin, il y a toute cette dimension-là. C'est une manière très claire de situer les animaux d'abattoir du côté de l'innocence, tandis que le monde des urines d'abattoir est du côté, évidemment, du sang, du sale et du noir, même si on est évidemment encore dans un film de noir et blanc, ça permet aussi de mieux faire ressortir le rouge du sang et donc d'impressionner encore plus celui qui regarde. Dans l'ambiance assourdissante des treuils pneumatiques, les tueurs et ouvriers des chaudoirs travaillent entourés des vapeurs grises du sang des bêtes. Alors c'est sûr que le film de Franju, il est hanté par les ruines, finalement, par le fantomatique, il est hanté par l'expérience de la mort, tout simplement, qu'on vient de vivre avec la Seconde Guerre mondiale, d'une manière qu'on n'avait jamais connue auparavant. Et il est d'ailleurs étonnant, surprenant, de voir à quel point le film de Franju est fantomatique. Enfin, il y a tout le temps cette vapeur qui se dégage des corps, en fait, c'est le contact de la chaleur du corps avec le froid extérieur qui produit comme ça cette réaction et cette brume comme ça qui se dégage des corps. Et quand il y en a beaucoup, du coup, il y a comme ça une sorte de brouillard qui plane dans les abattoirs et qui en font d'un seul coup une sorte de lieu d'aveuglement. Et la matière noir et blanc du film renforce cet effet fantomatique, puisque il n'y a jamais de rouge dans ce film, évidemment. Donc on est à la fois placé face à des images qui sont extrêmement crues, insoutenables, et en même temps il y a tout un régime qui est un régime d'apparition et de disparition qui relance constamment la question de qu'est-ce qu'on peut voir et qu'est-ce qu'on ne peut pas voir de cette mise à mort animale et qu'est-ce qu'on peut voir et ne pas voir de la mort en général. La conservation de la viande blanche du veau nécessite une saignée totale par décapitation. L'animal mort est encore animé le réflexe, manifestation d'une vie purement végétative. Il y a une théâtralisation de cette mise à mort qui est là pour nous rappeler le spectacle. Enfin, il nous rappelle que c'est un spectacle qu'on ne veut plus voir et qu'il est, je pense, de ce point de vue-là, que c'est un film beaucoup plus sur le spectacle de la violence des animaux que sur la souffrance des animaux eux-mêmes. On est encore, en fait, dans un abattoir encore très artisanal et on voit très bien dans le film. Il y a des ouvriers artisans qui vont abattre avec leurs gestes, certes avec des outils améliorés, comme notamment le pistolet humanitaire, mais qui ne sont pas encore le travail à la chaîne de l'ouvrier peu qualifié des abattoirs de la seconde moitié du XXe siècle. Et Franju, il est à ce moment-là, c'est-à-dire que on voit encore tout ce Paris du XIXe siècle et de ses pratiques et de ses acteurs populaires qui vont complètement disparaître dans la seconde moitié du XXe siècle. Le délicat ouvrage du fleurage à la lancette, couteau acéré comme un rasoir, n'est pas sans danger. C'est en fleurant un cheval qu'Ernest Breuillet s'est tranché l'artère fémorale. Il a dû être amputé de la jambe droite. Dans le commentaire du film, hein, qui est écrit par Painlevé, il n'y a pas d'accusation par rapport aux personnes qui font l'abattage des animaux. Ils reprennent tout le temps le vers de Baudelaire, hein, le boucher frappe sans colère et sans haine. Donc il n'y a pas du tout d'accusation du personnel. Au contraire, il y a presque une assimilation de la figure de l'animal et de l'ouvrier des abattoirs, qui donne aussi de sa personne, enfin, qui est blessé, certains sont estropiés. Il y a comme ça aussi une misère humaine au lieu même de la mort animale. Cette misère humaine qu'on a déjà vue, en fait, à l'extérieur et dont on voudrait bien détourner le regard, mais Franju nous oblige à regarder. Il y a toujours un travail entre l'émotion et la prise de distance objective. Il faut avoir de l'émotion, mais il faut aussi connaître. Et dans le geste de connaissance, il y a nécessairement une prise de distance. C'est vraiment une connaissance pour trouver la bonne position. Il n'y a pas cette volonté d'un spectacle de l'horreur qui nous pousserait à nos limites dans le dégoût. Il y a plutôt une volonté de nous faire accepter ce qu'on est en train de faire, de nous le faire comprendre. Peut-être pas accepter, mais en tout cas nous le faire comprendre pour pouvoir le penser et pour pouvoir mieux se prendre position par rapport à ça. Et donc aussi être des animaux politiques dans cette prise de position par rapport aux images et grâce à elles. Et Franju et ce film ont joué un rôle important dans cette affirmation et cette légitimité des images à aussi pouvoir nous dire quelque chose du réel. Les moutons sont entraînés par le mignard, le prêtre. C'est lui qui connaît le chemin et aura la vie sauve. Les autres suivent comme des hommes. Ils bêlent comme chantent les otages, en sachant que ça ne sert à rien. Et la question, ce qu'on appelle maintenant la question animale, n'existe pas à cette époque. Qu'en 49, on était trop préoccupé par la reconstruction du pays, finalement. Donc on n'en est pas vraiment dans une période où on va aller s'inquiéter de la mort animale dans les abattoirs, parce qu'il faut effectivement manger, il faut reconstruire le pays, il faut trouver de l'argent, il faut vivre, quoi, tout simple. Enfin, il faut survivre, en fait. Les enjeux éthiques ne peuvent pas se formuler comme ils se formulent actuellement. Je suis entrée à l'usine comme intérimaire. Le premier jour, on dit, il faut te présenter à telle heure, à tel endroit, on va vous faire visiter, vous donner votre code, votre placard. En fin de compte, non, t'arrives à 8h, on ne te fait pas visiter, on te fait traverser juste. Ce qui m'a impressionnée, c'est la grandeur de l'usine. Je pense en général, c'est le nombre. C'est vrai, c'est impressionnant dans les frigos, ces carcasses. Tu te demandes où est-ce qu'ils sortent tous ces cochons s'ils ne les fabriquent pas sous terre. Après, tu rentres dans une grande salle, tu vois qu'il y a 400 personnes là-dedans, des bruits de machines, ça gueule de partout. On te fait bien comprendre qu'il va falloir que tu te mettes tout de suite et que si dans 3 jours tu suis pas, t'es dehors. Dans ce film de Manuela Frésil, Entrée du personnel, on entend des salariés décrire leur travail à l'abattoir. On est à la fin des années 2000, l'abattoir artisanal immortalisé par Franju n'existe plus. Ce que filme Manuela Frésil, c'est l'usine à viande, planqué au fin fond des zones industrielles périurbaines. C'est l'abattage et le dépeçage à la chaîne, les cadences à 600 bêtes tuées par jour. Tout ce que l'industrie agroalimentaire préfère cacher aux consommateurs et que la documentariste découvre pour la première fois un jour de 2003 lors de repérages pour un film sur l'élevage industriel. Un jour, je me suis retrouvée en repérage dans un très très gros abattoir de cochons. Et là, j'ai vu la machine fonctionner. J'ai eu de la chance parce que à ce moment-là, c'était possible de rentrer dans les abattoirs parce qu'en fait, c'était la fin des années 2000 et il sortait de la grosse crise de la vache folle. Et donc l'industrie agroalimentaire avait besoin de montrer qu'ils maîtrisaient leur outil et qu'ils géraient très très très bien tout le fonctionnement, y compris le bien-être animal au mieux et la traçabilité. Et donc ils m'autorisent à visiter l'abattoir. Je me retrouve dans cet endroit qui est un outil incroyable, où on abat un porc toutes les 3 secondes et demie. C'est la tuerie, où ça n'arrête pas de hurler. Il y a les porcs qui sont mis dans des parcs, qu'on appelle des crèches. On les douche pour qu'ils soient un peu détendus. Et on fait avancer crèche par crèche, dans des couloirs de plus en plus étroits. Donc au début, 15 de front, puis 5 de front, puis finalement il n'y en a plus qu'un. Et il est obligé d'avancer parce qu'on lui donne, on le pique au cul. Et à la fin, il arrive dans un couloir et là il est pris par 2 rouleaux compresseurs qui l'emmènent dans la machine, met 2 électrodes juste à côté des oreilles et là il se prend un coup de jus. Et il n'est pas mort. Il est électrocuté, donc il est mort. Mais en même temps, son cœur fonctionne. Et il se transforme en statue de sel, presque. Il n'y a pas de moment de la mort. Et après, il y a le seigneur, qui est donc le tueur aussi, qui coupe la carotide. Et après, il part sur un tapis roulant, il se vide de son sang. Et puis après, il se retrouve suspendu, coupé en deux. Et après, on travaille la viande. Je suis sortie de là, j'étais totalement choquée. Je me souviens d'un espèce d'éblouissement. J'étais sidérée, quoi. Je me souviens d'un espèce de choc blanc. Et donc je me dis, mais comment ils font pour supporter ça? Mais on s'y fait, on fait notre boulot, on n'y pense pas. Pour moi, c'est le poste le plus dur de l'abattoir. La bête, quand elle a attrapé le coup de pistolet, elle n'est pas complètement morte. Elle a des réactions qu'on appelle ça. Il y a toujours des réactions des bêtes. Des réactions terribles, terribles, terribles. Elles sont mortes, mais c'est des réactions. Et puis des fois, ça va tellement vite qu'on oublie, qu'on n'y pense plus. On s'habitue. On s'habitue à tout. C'est la pire des choses, l'habitude. Je rencontre des ouvriers d'abattoir qui ne viennent pas de la tuerie. Et là, ils me disent, non mais nous, les animaux, d'abord, on ne les voit pas. On les entend. Nous, on n'a pas à voir à des animaux, nous, on est avec la viande. Et c'est là qu'ils me disent qu'ils ont accepté de me rencontrer parce qu'il faut dire à quel point règne la violence dans les usines, à quel point les cadences sont infernales. Et je me dis, là, il y a un truc. Et je décide de faire le film là-dessus. Et c'est pour ça que je ne veux pas montrer la mort des bêtes, parce que je sais que si je montre la mort des bêtes, je vais mettre le spectateur dans un tel état de sidération qu'il ne pourra pas comprendre cette porosité, en fait. Moi, je disais, c'est chair contre chair, en fait. C'est la chair, c'est chair contre chair. Là où j'ai le plus attrapé la maladie, c'est à dépouiller les têtes. La main, en fin de journée, est rouge, bleue. C'est une brûlure à l'intérieur. Je dormais plus la nuit. Toute la nuit, j'étais réveillé parce que j'avais des fourmis dans le bras. Jusque dans le cou. On fait un geste. Toujours le même. Il faut couper, appuyer. Couper, appuyer. Je regarde les chiffres, je regarde les anciens. Il n'y en a pas un qui va au bout. Toutes ces paroles de travailleurs, Manuela Frésil, elles sont tellement fortes que ce que vous décidez de filmer à ce moment-là, c'est la souffrance des hommes, pas celle des bêtes. Comment vous les avez obtenues, ces paroles? Il y a un interdit tout de suite qui me tombe dessus, que je comprends immédiatement en parlant avec les ouvriers, c'est que eux, ils ne pourront pas apparaître à l'image. Parce que, évidemment, témoigner de ça, c'est perdre son emploi. On veut bien que vous nous enregistrez, mais on veut pas, on vous le dira pas en face, on n'ira pas face caméra. C'est pas possible. Mais j'ai les paroles. Parce qu'ils ont envie de parler. Et du coup, je pars de ces séries d'entretiens que je transcris complètement. Et je construis un espèce de récit complètement documentaire. Donc moi, j'ai refait lire ces textes par des comédiens. Les ouvriers, on ne peut pas les reconnaître. Mais eux, ils se reconnaissent. Hein. Je faisais pas ça avant. Avant, j'étais coiffeuse. Mais ici, c'est que des usines de viande. En tant qu'intérimaire, c'est là qu'on me place. L'usine, pour moi, c'était un changement radical. Pendant 8 heures, tu fais le même geste. En coiffure, tu te muscles vachement les mains, les doigts, mais pas les poignets. Ce qui fait qu'au bout du mois, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, eh ben mes poignets ont lâché. 3 semaines d'arrêt. Quand je suis revenue, c'était plus les échines, c'était les carrés. Et pareil, rendement, rendement, rendement. J'ai entendu les paroles des ouvriers qui, eux, sont extrêmement, forcément matérialistes. Donc pendant très longtemps, j'étais sur un point de vue d'ergonomie. Je disais, il faut ralentir les cadences. C'est-à-dire qu'ils ne tomberont pas malades, ils ne seront plus cassés si les cadences sont ralenties. Je pensais ça parce que c'est ce qu'eux pensent. La question sociale, elle était là. Et en fait, maintenant, j'ai pas de réponse à cette question. Moi, je pense qu'il y a une violence symbolique extrêmement forte dans cet outil. Et moi, en tant que cinéaste, je ne peux que faire le constat de cette faille. Voilà. Ce que je sais, c'est que le spectateur éprouve une porosité entre le destin des bêtes et le destin des gens. Parce qu'il y a du sacré de cette matière qui est encore... qui est finalement entre vraiment un intermédiaire entre le vivant et le mort, quoi. C'est une matière extrêmement mystérieuse quand même, la viande. Omar me dit que j'ai changé. C'est vrai, je me rends compte que je deviens dure. Je suis devenue indifférente aux autres. J'ai un peu perdu ma naïveté en fait. Maintenant ça me fait plus rien de voir du sang. Je peux aller dans les frigos, voir les têtes suspendues, ça me fait plus rien. Au tout début, quand j'étais pas habituée, je faisais tout le temps des cauchemars. Je rêvais de la chaîne. Mais c'était plus les cochons qui étaient pendus, c'était des êtres humains. C'est la viande qui fait ça. Ça fait combien de temps que tu travailles à l'abattoir ? Ça va faire 7 ans. Faut travailler. Et toi, tu parles de ton boulot, de toi? Ouais, de temps en temps, mais bah, j'évite. Les gens, ils sont un peu... ils ont un peu peur de ça. J'aime pas trop ça. Ils ont plus impressionné, les gens, c'est par la quantité qu'on tue à la journée. Et des fois, des 500-600 vaches, c'est quand même énorme. C'est tous les jours. Vincent Gaulier et Raphaël Girardeau, pour votre film Seigneur, qui est sorti en 2016, vous aviez réussi à obtenir des autorisations de tournage dans un abattoir industriel moderne, avec 1000 personnes. Ce que vous vouliez filmer, c'était avant tout les hommes. L'intention, c'est de faire un document sur c'est quoi la condition ouvrière aujourd'hui. C'est quoi le travail à la chaîne et c'est quoi, dans un lieu aussi singulier qu'est l'abattoir, un travail posté où en plus on fait un métier dont on ne peut pas raconter la singularité, c'est-à-dire de tel que les ouvriers le racontent, de donner à manger aux gens, ce qui est quand même une noble tâche. Mais comme on est affaire à des animaux, que le ressenti en ce moment n'est pas du tout sur cette question-là, ils sont obligés de cacher ce qu'ils font comme s'ils faisaient un métier honteux. Tous s'épuisent à faire ce métier-là. Et en plus, ils ne peuvent en ressortir en aucune fierté. Donc il y a cette complexité-là qu'on voulait évoquer, dans un lieu où plus personne ne tourne, pour des raisons politiques, parce que les patrons ne veulent plus faire rentrer les équipes de tournage, et donc et de raconter cette histoire-là du point de vue des ouvriers. Quand j'ai commencé, je me suis dit, putain, je suis en train de faire ça, il n'y a même pas une demi-heure, elle était encore vivante, elle sortait. Et au début, j'avoue que j'y pensais un peu. Et puis, à force, au fur et à mesure des choses, en fait, tu t'en fais abstraction, en fait. Pour ma part, je calcule même plus. Quoi. En fait, je fais ça parce que c'est pas que ça me plaît, mais je me suis... En fait, dans ma tête, je me dis qu'une tête de vache ou autre chose, c'est une grosse caisse en carton. Comme ça, je suis sûr de pas cogiter, mais d'être tranquille, en fait. De me dire que je fais pas quelque chose qui était vivant il y a 5 minutes ou 10 minutes. Quoi. Le dispositif, on peut le résumer comme ça, c'est-à-dire que c'était tout le temps de mettre l'ouvrier au centre de l'image et ne jamais se laisser happer par la bête. sinon on était complètement aveuglé par la bête qui était là et qui venait d'être tuée, donc qui était encore sanguinolente. Enfin, il y avait assez peu de sang, mais il y avait quand même du sang. On sentait qu'elle était chaude, tout ça. Donc très vite, on est attiré. Enfin, l'œil est attiré. Donc il faut vraiment arriver à se concentrer sur leurs gestes. Il faut peut-être juste donner deux chiffres. C'est que les ouvriers qui travaillent sur la chaîne bovine, donc sur les vaches, ils ont une vache nouvelle qui se présente dans eux toutes les 50 secondes. Ceux qui travaillent sur la chaîne mouton, c'est une bête nouvelle toutes les 20 secondes. Donc il y a en effet une cadence qui est complètement dingue. Et nous, on voulait montrer ça. Déjà, c'est pas un métier qu'on a l'habitude de voir au journal de 20h le soir, quoi. C'est assez paradoxal d'ailleurs parce que on travaille une matière qui est assez noble. On travaille du bœuf, quand on mange de la viande de bœuf, ben c'est plutôt une viande noble. Les gens ils aiment bien manger autour d'une côte de bœuf. Mais derrière ça, quand on voit toute la souffrance, je dirais, qu'il y a eu pour la travailler, cette côte de bœuf, c'est parfois réfléchir. Dans cet extrait, Vincent Gaulier et Raphaël Girardeau, l'ouvrier parle de sa souffrance physique, la souffrance physique des travailleurs, au moment même où il est en train de dépecer, de découper une carcasse de vache. Et on a l'impression que la question du corps de l'animal et de sa souffrance vous l'escamotez complètement. Enfin, lui, il est complètement à ce moment-là dans le discours. De toute façon, on est là, c'est pour ça qu'il parle de la côte de bœuf. Tout le monde est bien content de manger une côte de bœuf. Et donc, quand vous mangez une côte de bœuf, vous ne pensez pas à la souffrance animale. Donc moi, je ne vois pas pourquoi, quand je suis en train de la travailler, je devrais penser à la souffrance animale. Pourquoi ce serait moi qui serais responsable, en fait, de la souffrance animale parce que je fais quelque chose pour vous, pour que vous puissiez manger de la côte de bœuf? Moi, ce que je vois, c'est que, comme je suis délégué syndical, je vois des gars qui se barrent alors qu'ils ont 35 ans, 40 ans, et qui ne pourront plus rien faire derrière. Qui sont cassés. Et donc, en gros, il dit, n'importe qui est capable de manger une côte de bœuf, mais n'importe qui n'est pas capable de faire ce que je fais. Donc, s'il vous plaît, un peu de respect. La dernière bête, avant la pause. La comparaison est vachement délicate. Il veut dire qu'il y a une souffrance plus forte que l'autre. Voilà, qu'il y a une souffrance plus forte que l'autre, qu'il y en a une qui est estimable. Les bêtes sont sans défense, donc on doit plus les prendre en attention. Les ouvriers sont sans défense aussi. Je veux dire, il y a Jean-Luc qu'on vient d'entendre à cette parole-là. Il n'y en a pas un dans le film qui se permet d'aller aussi loin dans la dénonciation politique. Parce qu'il n'y a plus de conscience politique dans l'usine. Le discours syndical, il est tenu par 3-4 personnes. Les 100 autres personnes de la chaîne, elles sont dans une soumission, dans un fatalisme de « je reste là parce que j'ai pas mieux, il ne fait pas mieux travailler ailleurs ». Donc il y a vraiment une soumission à la cadence. On ne pense plus à rien d'autre. Et 30 ans plus tard, on se rend compte qu'on ne peut plus travailler, qu'on est mis hors de l'usine parce que le patron a le droit de vous virer. Si en effet vous êtes en arrêt maladie trop longtemps, bah vous ne servez plus à rien, donc vous vous licenciez. Tu pensais que c'était possible de tuer autant de bêtes par jour? Sincèrement, non. Non, j'y avais jamais pensé, mais ça m'impressionne, je suis un peu surpris. C'était une bête tous les 1 minute, je sais pas. Ouais, mais ça doit être ça, c'était une bête tous les 1 minute. Quand la bête arrive devant toi, tu penses qu'elle vient d'être tuée ou non? Si, j'y pense. Et j'ai un peu de compassion pour eux, surtout quand tu travailles de l'autre côté, là, surtout quand on les assomme. Ouais, ça en fait pas rigoler. Et puis, tu les vois bien souffrir. Donc, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens que s'ils viendraient dans des usines, ils auront du mal à manger la viande après. Je pense sincèrement. Là, j'étais là. Les bêtes là et puis ils arrivent là, on les assomme et ils arrivent pas là et tu les tires jusqu'à la chaîne. C'est un poste qui nécessite beaucoup de courage, vraiment beaucoup de courage. Regarde un peu là comment ils se battent. C'est comme ça. C'est l'un des postes, c'est facile mais ça nécessite énormément de courage et il faut pas avoir peur des bêtes. Alors là, c'est la dernière séquence de votre film. Un ouvrier parle de son travail au poste d'abattage. Il doit récupérer les vaches juste après qu'elles ont été mises à mort. Il essaie de répondre à vos questions. Et à ce moment-là, quand il dit « regarde, regarde », il oblige en fait la caméra de Raphaël Girardeau à opérer un travelling et à filmer la vache effondrée au sol, qui a encore des soubresauts, elle est en train de mourir en fait. Et c'est la première fois qu'on voit la mort d'un animal, après une heure de film dans l'abattoir. Et on dirait que c'est l'ouvrier qui vous a obligé à regarder, qui vous a obligé à poser la question que depuis le début vous ne vouliez pas poser. Qu'est-ce que ça fait de faire ça aux bêtes? Qu'est-ce que ça fait de tuer des bêtes et donc de les faire souffrir? C'est pas une question qu'on voulait pas se poser, c'était plutôt une question qu'on voulait pas poser frontalement. Et trop tôt. On voulait que ça apparaisse et que ça soit là. Comment l'industrialisation de la mort est quelque chose qui est atroce à vivre pour les bêtes comme pour les hommes. Avec Loge, c'est aussi sa réflexion. Et aussi parce qu'il vient d'arriver, hein, ça fait très peu de temps qu'il est là. Enfin voilà, il fait une sorte de résumé total de comment la société fabrique quelque chose qui, si on le savait, ferait qu'on ne pourrait plus manger de viande. C'est-à-dire qu'on savait très bien qu'on allait vers ça. Et le rush de ce moment-là, on savait que c'était le rush de faim, tout de suite. Aussi parce qu'il nous avait montré la bête, aussi parce qu'il nous avait obligés à aller jusque-là. On se disait, mais là, de toute façon, une fois qu'on a vu ça, ça y est, c'est... C'est à chaque spectateur de faire le voyage. On ne peut plus faire aucun voyage pour lui. Des bêtes visiblement mal étourdies, égorgées vivantes qui se débattent contre la mort pendant de longues secondes. Des agneaux égorgés alors qu'ils semblent encore conscients, ce qui est contraire à la réglementation. Des images d'une extrême violence tournées il y a quelques mois en caméra cachée dans cet abattoir d'Alès et rendues publiques aujourd'hui par l'association L214. Bonjour Monsieur le Président, Monsieur le Rapporteur, Mesdames et Messieurs les parlementaires, bonjour. La ville d'Alès conteste l'association à des pratiques que j'estime scandaleuses dans une orientation arboritoniste. Je n'ai pas envie de manger de l'herbe toute ma vie. Je trouve que les images qui ont été projetées, effectivement, touchent énormément les gens. Dans un abattoir, il y a du sang. Brigitte Gauthier et Sébastien Arsac, cette vidéo de l'abattoir d'Alès en 2015, elle a marqué un cap pour votre association L214. Il y a eu un choc médiatique sans précédent, qui a même débouché sur la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les conditions d'abattage des animaux de boucherie. C'était la première fois que L214 révélait des images d'abattoir. Comment vous l'avez fabriquée, cette vidéo ? Ça commence par des messages par voie électronique avec une personne qui dit ben, « j'ai des images » et qui envoie par la poste deux cartes SD qui proviennent effectivement de l'abattoir de Alès. Alors des images qu'on peut pas exploiter en l'état. Et donc voilà, ce qu'on sait en tout cas, c'est que on peut entrer enfin dans une boîte noire qui sont les abattoirs. C'est pas forcément une personne qui avait un métier durable au sein de l'abattoir, qui avait l'habitude de voir ces images. C'est quelqu'un qui est arrivé là un peu par hasard, qui a découvert la situation et qui était sûrement, je pense, choqué par ce qu'il voyait ou cet environnement, parce que c'est une espèce de monde parallèle. Du coup, je pense que c'était plus une volonté de témoigner. Moi, j'ai bossé dans un abattoir en intérim pendant 3 semaines. Je me disais, mais les gens qui sont dehors, là, ils se rendent pas compte de ce qu'il y a à côté, parce que c'est une usine. Il y a des animaux qui sont passés à mort. On a vraiment envie de le faire savoir, ce clair-obscur, là. Les animaux sont transportés la nuit. Et je pense qu'il y avait une volonté plutôt de témoigner, plus que de dénoncer des maltraitances. Quand on a reçu les premières images, on a fait part qu'on était intéressé par son témoignage, mais que... On ne pouvait pas exploiter les images en l'état, parce que justement, les filières essayent de montrer que nos images ne sont pas conformes à une certaine réalité, quoi. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur du tout. Et après, nous, on a du matériel. On avait déjà fait quelques enquêtes en caméra cachée. Donc, voilà, moi, je lui apporte des caméras. Et puis, je lui explique que, il faut filmer une preuve de date, c'est-à-dire filmer la photo de couverture d'un journal. Et aller filmer la caméra où il l'a placée dans un coin. Donc, on sait que cette caméra a été posée tel jour, voilà. Et à partir de là, voilà, c'est des images que nous, on va remettre aux tribunaux. Quoi, il n'y a pas de question sur l'origine des images. Ouais. Donc, ça a pris un peu de temps. Parce qu'il y avait encore un autre défi dans cet abattoir. C'est un abattoir qui tue à la fois des chevaux, des bovins, des moutons. Donc tout ça a pris du temps, il y a eu des échecs. Et puis petit à petit, on a réussi à avoir à peu près une cinquantaine d'heures de tournage d'abattage. C'était la première sortie d'images d'abattoir qu'on avait en France. Là, on a eu vraiment un morceau de réalité de comment ça se pratique, l'abattage, de façon routinière dans un abattoir. Donc là, on a, sur les images qu'on récupère ensuite, des animaux qui sont encore conscients sur la chaîne de saignée. Dans le cadre de l'abattage sans étourdissement, on voit ce geste du sacrificateur, là, dans le cadre de l'abattage rituel, qui vient cisailler la gorge de l'animal. Donc au lieu d'avoir un geste franc, il va revenir plusieurs fois dans la plaie. Quand vous repassez dedans, c'est d'autant plus douloureux. On voit les animaux qui voient les autres qui sont déjà en train de se faire saigner, des agonies pendant plusieurs longues minutes. On a réussi aussi à avoir, au niveau du gazage des cochons, on a réussi à avoir des images. Les cochons sont rentrés dans un puits de CO2, ils descendent au fond du puits, au fur et à mesure qu'ils descendent dans le puits, le pourcentage de CO2 augmente et il n'y a plus d'oxygène, donc les cochons s'asphyxient. Mais là, d'avoir réussi à mettre une caméra qui descend avec les cochons et de voir la panique, les cris, le fait qu'ils se jettent contre les parois, enfin l'asphyxie des cochons. Donc on avait un double regard en fait sur ces images. Il y avait ce qu'on voulait porter devant la justice d'un côté, et puis il y avait ce qu'on voulait montrer au public. Pour le grand public, finalement, c'était simplement exposer la brutalité avec laquelle on tue les animaux aujourd'hui dans les abattoirs, où on tue encore aujourd'hui plus de 3 millions d'animaux tous les jours. On se dit, bon, il doit sûrement y avoir quelques écarts, mais en fait, là, on a vraiment eu l'impression que c'était totalement généralisé, alors qu'on était dans un petit abattoir. C'est pas la question des cadences qui fait la souffrance des animaux ici. Les chevaux refusent de rentrer dans le box où la mort les attend. Leur résistance est vaine. Ici, c'est la loi du plus fort qui règne. Les chevaux sont assommés au pistolet. Une tige perforante leur fracasse le crâne. Ils sont suspendus par une patte et tués au couteau. Pour les experts, les mouvements de respiration ou les réactions au couteau sont des signes d'une possible reprise de conscience. Là, il y a toute une série d'images où l'on voit les ouvriers insensibiliser les chevaux par une tige percutante, par un pistolet humanitaire. C'est le résultat d'un processus historique dont l'objet est justement d'éviter de trop grandes souffrances aux animaux de battoir et de s'assurer d'une insensibilisation aussi rapide et efficace que possible. Ce geste-là, aussi spectaculaire et aussi choquant qu'il puisse nous paraître, est en fait, surtout dans la première moitié du XXe siècle, est vu justement comme un geste de progrès et de plus grande attention à la souffrance des animaux. Et ce sont notamment les sociétés de protection des animaux, les militants de la première moitié du XXe siècle, qui vont militer pour que les ouvriers d'abattoirs utilisent ce genre d'outils que nous voyons aujourd'hui. Ce que je veux juste dire par là, c'est que ces gestes que nous voyons aujourd'hui qui choquent l'opinion sont le résultat de processus historiques qui visent le bien-être et la mort la plus rapide et la moins sensible pour eux. Ok, donc là, on s'est réunis pour visionner des vidéos de l'association L214, des vidéos qui peuvent vous surprendre ou même un peu vous choquer ou pour certaines vous dégoûter, vous verrez. Donc juste être capable de savoir ce que ça vous a procuré comme sentiment, comme sensation et être capable d'en parler après. Voilà. Je suis Hélène de Fougerolles. Ok. Est-ce que vous avez des questions ou non ? L214. Non ? Ok, très bien. Avez-vous déjà pensé à la provenance de la viande dans votre assiette ? Avez-vous déjà visité un abattoir ? Ces nouvelles images de L214 montre le calvaire que vivent les chevaux, les moutons, les cochons, les veaux, les vaches et les taureaux. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment horrible, c'est le début, enfin, quand ils sont abattus au pistolet à tige. Parce qu'en fait, on en voit plusieurs qui tombent d'un coup et qui ont l'air absolument inconscients. Et il y en a d'autres qu'on voit encore bouger, on voit qu'ils se rendent compte de ce qui se passe. Oui, on les voit encore bouger, on voit encore leurs pattes bouger. Et ensuite, ils accrochent une de leurs pattes arrière et ils les soulèvent. Et ensuite, ils leur tranchent la gorge pour qu'ils se vident de leur sang. Et l'animal continue à bouger. C'est horrible, il y a du sang partout, après on voit un des hommes qui nettoie du sang partout, enfin, c'est atroce. Et puis on voit surtout, on voit encore les chevaux bouger et on voit qu'ils souffrent vraiment. Quoi. Parce qu'on les voit, avant même qu'ils se fassent trancher, il y en avait deux ou trois qui étaient allongés par terre en train de bouger dans tous les sens, qui bougeaient leurs pattes, un qui essayait de marcher mais dans le vide, enfin, qui est allongé avec les pattes dans le vide, qui essayait de marcher. Enfin, je trouve que c'est atroce parce qu'on voit vraiment qu'ils souffrent. Quoi. Il y en a qui convulsent, enfin, je sais pas si c'est parce que c'est leur nerf et du coup ils convulsent, enfin, il y a quelque chose dans le cerveau, c'est juste parce qu'ils reprennent conscience qu'ils essayent de se débattre, mais en tout cas ils bougent de partout, c'est pas une mort douce, sans douleur et calme, c'est le contraire de ça. Ces images-là jouent sur une absence de culture scientifique sur la mise à mort des animaux, et notamment jouent sur ces animaux que l'on pense morts et dont on voit les membres s'agiter. Voir un cadavre s'agiter, c'est tout de suite imaginer qu'il est encore conscient. Or, on sait qu'il peut y avoir des réflexes nerveux de membres sans qu'il y ait conscience chez ces animaux-là. Et ça, on le sait scientifiquement, mais clairement, cette vidéo, elle joue sur le fait que si on les voit bouger, ça veut dire qu'ils souffrent et qu'ils sont encore conscients. Alors que ce n'est pas forcément le cas. Je ne dis pas que c'est le cas. Mais là aussi, il y a un paradoxe assez très, très, très clair. Donc, évidemment, on sait qu'il y a une conscience, qu'il y a une sensibilité des animaux. C'est aujourd'hui largement reconnu, et notamment par les neurosciences. Mais ce savoir, il est utilisé de manière partielle dans la lecture de ces images. En tout cas, ce n'est pas un documentaire ni un film au sens où Franju, j'imagine, le pensait lorsqu'il faisait le sang des bêtes. C'est, pour un historien, une magnifique source du régime des sensibilités aujourd'hui en action dans nos sociétés. Quand on a montré les images d'abattoirs, on a quand même eu quelques personnes pour nous dire « Mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans les abattoirs, vous avez truqué vos images, etc. » On n'a vu aucun abattoir montrer la réalité de ce qui se passait à l'intérieur de leur mur. Pourquoi ? Parce que c'est les mêmes images que celles qu'on a montrées exactement. Et voilà. Et si on a commencé à montrer des images aussi, c'était parce qu'on voulait absolument que les gens n'aient pas les arguments qu'on nous sortait quand on distribuait simplement des tracts, où on nous disait, c'est pas ici. Nous, maintenant, on a des réglementations, il y a les services vétérinaires qui sont sur place, donc c'est pas comme ça que ça se passe. Ben si, voilà, on a amené la preuve, c'est ici, c'est maintenant, c'est en France. Et quelque part, nous, si on veut vraiment que notre société réagisse, on est obligé de passer par ces images rendues publiques, puisqu'en face, on a un rouleau compresseur de publicité, finalement, de marketing, qui fait tout pour nous faire oublier le vrai prix de la viande, hein. C'est Jean-Paul Bigard, là, le président de Bigard Socopa Charal, qui, devant la commission d'enquête quelques mois après ses premières images, dit, ben, moi, avec mon entreprise, j'investis des sommes considérables pour faire oublier au public le lien entre la viande et les animaux. Et oui, les images sont violentes, mais comment on détruit des habitudes sur lesquelles on se repose si on ne devient pas conscient de ce que nos gestes d'achat impliquent, et là, impliquent sur des êtres doués de sensibilité. Et donc, quelque part, nos images, c'est des trous de serrure. C'est juste un œil qu'on peut glisser. On peut regarder de l'autre côté d'une porte qu'on ne peut pas ouvrir. Alors, suite à l'enquête à l'abattoir d'Alès, Il y a une fermeture à titre conservatoire qui est ordonnée par le maire d'Alès, Max Roustan. Et l'abattoir rouvre donc 2 mois plus tard. Une enquête aussi administrative qui est diligentée et qui ne donne lieu à aucune sanction. Seule la chaîne d'abattage des chevaux, qui était non conforme, n'est pas rouverte. Mais néanmoins, L214 a porté plainte pour acte de cruauté envers les animaux. Et donc un procès a lieu, très récemment, en février 2019. Lors de ce procès, il y a 175 infractions qui sont portées au dossier pénal. Et finalement, il n'y a que 3 infractions qui auront été retenues et qui pourront éventuellement donner lieu à 3 contraventions d'un montant de 750 € chacune. C'est démesuré aussi quand on voit par exemple que les militants qui ont été interpellés à l'abattoir d'Oudan dans les Yvelines en cours... 1 an de prison et des amendes de 15 000 € pour finalement avoir tenté de montrer la réalité de l'abattage des animaux. Néanmoins, il y a un avant et un après l'enquête à l'abattoir d'Alès. Il est évident qu'on ne parviendra jamais à mettre à mort de manière systématique des êtres dotés de sensibilité en ayant l'assurance qu'ils ne souffrent pas. Donc même si ça n'a abouti à rien concrètement, je crois que ça a préparé le terrain pour l'avènement d'autres débats et d'une remise en question bien plus profonde. Forcément, dès que je vais penser à des animaux ou à la viande qu'il y a dans mon assiette, je vais forcément visualiser des choses, alors qu'en sachant, je me disais, oui, enfin, ils sont abattus de telle manière ou de telle manière, enfin, je le savais, mais... Là, c'est concret, en fait. C'est des choses que je peux pas oublier parce que je les ai vues, tout simplement. En tout cas, ça restera dans ma mémoire. Et je pense aussi, ce qui est particulièrement choquant avec les images de mise à mort, c'est parce qu'en fait, au moment de mourir, nous, les animaux, c'est à peu près la même chose. Enfin, on a tous la peur et on a le corps qui réagit, le sang, des choses comme ça. En fait, c'est des choses très humaines. Tout ce sang, ça rappelle juste aussi la mort humaine. Nos régimes de sensibilité ont fortement évolué et on peut même parler de mutation de nos sensibilités à l'égard de la mort des animaux. Et là, nous les voyons dans une situation d'extrême violence, d'écoulement de sang, de gestes liés à la mort et d'animaux qui sont complètement réifiés, qui deviennent des objets lorsqu'ils arrivent pour être saignés. Et il y a évidemment une intolérance spontanée qui apparaît parce que cette pratique-là, sur ces animaux-là, est complètement déconnectée de nos pratiques. À cela s'ajoute la vue du sang. Cette vue du sang, dont on sait bien que dans le temps très très long, elle est de moins en moins tolérée. Et là, on voit un spectacle qui nous semble complètement gratuit. Et c'est vraiment cette perte complète du sens technique et aussi économique de l'abattoir et du saignement, qui fait qu'il y a une disjonction terrible où, bien sûr, vont s'engouffrer toutes nos émotions et tout notre dégoût. Les paradoxes de la viande, filmer le sang des bêtes. Merci à Muriel Pic, Damien Baldin, Manuela Frézil, Vincent Gaulier et Raphaël Girardot, Brigitte Gauthière, Sébastien Arsac, Jean-Baptiste Delamo, Jonathan Palimbeau, Leslie Riowal et ses élèves. Extrait des films Le sang des bêtes de Georges Franju, Entrée du personnel de Manuela Frézil, produit par Ad Libitum, Seigneur de Vincent Gaulier et Raphaël Girardot, produit par Iskra et Mille et Une Films. Documentation INA Véronique Jolivet. Une émission de Delphine Saltel et Vincent Deck. LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter à l'abattoir, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, 3e épisode, Genèse d'un steak, de l'assiette à la bête.